On va parler des séries dans la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien cette semaine. J'ai décidé de faire ça par Zoom cette semaine, faire changement un petit peu que de le faire par audio. Donc, Pascal, on va faire évidemment le tour des séries dans la NBA, mais avant tout, il y a eu pas mal de nouvelles. Et la grosse nouvelle, c'est pas une semaine dans la NBA cette semaine, c'est dans la NCAA. Coach K qui prend sa retraite. Écoute, Coach K, c'est dans les lignées des John Wooden, c'est dans la lignée des Bobby Knight, c'est probablement même mieux que ça, au moins c'est dans la même lignée au moins. Ben, je suis d'accord avec toi par rapport à John Wooden, là. Ouais. Il est considéré comme un des meilleurs entraîneurs dans l'histoire du sport universitaire aux États-Unis, mais ce qu'il a fait aussi avec les pros, avec l'équipe olympique, Oui. pour mettre l'équipe olympique sur pied. Fait que c'est un petit peu ça qui a fait qu'il n'a pas nécessairement quitté le rang collégial pour aller dans la NBA, vu qu'il avait l'opportunité de le faire pendant l'été. Ben, USA Basketball aimait avoir Coach K. Puis avoir un coach universitaire pour coacher tous les joueurs NBA, ça gardait quand même une certaine. Tu sais, il n'y avait aucun club qui pourrait penser qu'il y a du favoritisme parce que c'est un entraîneur universitaire. Puis tout le monde sait c'est qui Coach K, Ben de oui. loin ou de près du basket. Fait que je pense que. Mais je ne suis pas surpris. Il a bien Non. préparé son départ. Et la personne qui va le remplacer, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans quand on Ouais, avait. est-ce que ça va avoir un impact sur le recrutement? C'est ça que le Duke, écoute, c'est année après année, c'était fort. À part cette année, ça n'a pas été une super bonne année. Mais le recrutement de Duke, est-ce que c'est la perte de Coach qui va avoir un impact? Ben, c'est sûr qu'il va avoir un impact, mais je pense qu'elle ne sera pas si énorme que ça, parce que je pense que le plus gros impact, Danny, c'est que les top joueurs qui allaient à Duke ou à Kentucky, à ces gros noms-là, vont dans la G League maintenant, ils vont dans l'équipe de Ouais. développement. Fait que je pense qu'en ce moment, la NCAA et les universités comme Kentucky et Duke vont commencer à recruter des joueurs qui vont probablement être là 2, 3 ans. Puis il y a un côté développement, Danny. La G League, elle va faire du développement au niveau de prendre les meilleurs joueurs et essayer de lui donner une plateforme pour se faire repêcher. Mais maintenant, université, tu ne prends pas un joueur qui est presque prêt à la NBA. Il faut que tu prennes un joueur qui te dise, OK, lui, dans 2 ans, il va peut-être faire la NBA ou dans 3 ans. Donc, ça serait intéressant de voir. Mais je pense que Doug est tellement gros que, tu sais, moi, si mon gars pourrait aller à Doug, que ce soit Coach K ou celui qui va prendre sa place, je n'ai pas de problème. J'aimerais ça que mon gars aille à Doug. Tu comprends Ben ce que je veux oui. dire? Mais puis Doug est recruté aussi pour le. Doug, avant tout, ils sont recrutés beaucoup sur les résultats académiques. Hein? Côté, oui, absolument, absolument. C'est très fort du côté académique, Doug. Donc, c'est vraiment. Là, je regarde en même temps les résultats sur ESPN parce qu'il y avait un septième match cet après-midi. On va Choses parler. ont passé, Danny. Les Clippers ont passé 121 à 109. Ça vient d'être. Il reste 53 secondes. Moi, j'ai Ouais, 53 c'est secondes. fini. C'est fini. Dommage. Donc, Moi, je prenais pour les Mavericks en poche. les Mavericks. Donc, on va y aller maintenant avec deux nouvelles qui sont venues. Deux équipes qui ont besoin d'entraîneurs à Portland et également à Orlando. Portland, c'est une équipe qui fait du surplace, même affaire pour le Magic. Le Magic, depuis Shaquille et depuis Penny Hardaway, c'est une équipe qui fait vraiment, vraiment du surplace. Ben oui, oublie pas, il y a quand même eu des années intéressantes avec Dwight Howard et mon ancien Ouais. entraîneur Stan Van Gundy. On s'est rendu en finale NBA. Fait que je dirais depuis le départ de Dwight et de Stan Van Gundy, on se cherche une identité. Donc, je ne suis pas surpris là. Ça a été une entente mutuelle entre l'entraîneur Clifford et l'organisation. Je pense qu'il restait 1 an sur son contrat, donc ils se sont entendus pour aller dans différentes directions. Du côté de Portland, écoute, ça fait 9 ans, je ne me trompe pas, que l'entraîneur est là. Ouais, Et exactement. puis, est-ce que c'est le changement d'entraîneur fait une différence? Est-ce qu'on doit aller chercher des joueurs différents? Est-ce qu'on doit utiliser le fait que Damian Ben là. Lillard, tout le monde est intéressé à lui? Est-ce qu'on le met dans un échange? Ça serait intéressant de voir. Moi, Danny, ce que j'aimerais voir, et tu le sais, c'est Lillard avec les Lakers. Et ça, c'est une rumeur. Ben là, on en parle. C'était ma prochaine sujet. Parce que Dalton Lillard, écoute, c'est un gars qui joue à Portland. Lui, il ne reçoit pas vraiment toute la visibilité compte tenu qu'il joue à Portland. Mais là, on voyait qu'il pourrait partir de Portland. Et les rumeurs l'envoient. Je voyais les Clippers, les Lakers et les Knicks. Est-ce qu'un R.J. Barrett pourrait être un monnaie d'échange pour être le gros apport du côté des Trailblazers? Ben, le gros nom à New York, c'est pas RJ, c'est Non, mais pour les LeBron. Trailblazers, là. Ouais, non, mais c'est ça. Barrett pourrait faire partie d'un package de jeunes joueurs. Donc, c'est intéressant pour Portland. si tu perds Damian Lillard, tu veux vraiment aller chercher des jeunes joueurs. Fait que Les je pense que Pirates pourraient être même si tu mets la ce gars-là peur. avec les Spurs, Ouais. donc si on fait un ménage, il faut aller jeunes et des choix de premier rond. Effectivement, donc on va surveiller ça de très très près. Donc Lillard pourrait quitter, ce qui ne serait pas impossible. On va y aller maintenant avec les séries dans la NBA. Écoute, les Lakers éliminés, deux choses là-dedans. La blessure d'Anthony Davis et le 73 jours entre les deux saisons. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça a joué contre les Lakers? C'est sûr que ça joue contre les Lakers. Ça joue contre plusieurs équipes. La COVID, tu sais, c'est une année où même Brooklyn, l'année hier, on a Ouais, perdu Harden. Harden. Ouais. C'est une année, dans tous les sports, quand tu connais une bonne saison, souvent tu connais une saison au niveau que tes blessures sont minimales. Et ça, c'est tout à fait normal. Et du côté de Los Angeles, écoute, ça a été. Même la venue de Tansy, on a parlé d'André Drummond, ça a pris peut-être 2, 3 semaines avant qu'il joue avec LeBron ou Davis. Mais la blessure de Davis a quand même mis. Écoute, les deux matchs qu'il a joué, il était blessé, mais qu'il a joué, qu'il a performé, c'est deux victoires des Lakers. Fait que je n'étais pas surpris qu'il perde le match numéro 6. J'étais juste un petit peu déçu de l'attitude de LeBron. Honnêtement, j'aurais mieux que LeBron ne joue même pas le match numéro 6 parce qu'ils disent qu'il n'est pas à 100%. Mais tu sais, son langage corporel, il savait qu'il était pour perdre. Il a comme accepté qu'il était pour perdre. Mais nous, les fans, les spectateurs, les analystes, on veut voir se battre jusqu'à la fin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Danny. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la différence entre lui et Kobe ou Michael Jordan. Ben Michael, là, il va se battre tu jusqu'à la sais, fin. Mais tu sais, LeBron, sa carrière. ben ouais. Si LeBron aurait pris sa retraite après ce championnat-là cette année passée, ça aurait quasiment été mieux que de jouer puis de perdre. Fait que des fois, ta longévité te nuit à ta réputation. Mais dans le cas de LeBron, écoute, j'ai vu ça passer souvent, il veut jouer avec son fils. Son Oui, fils je suis tout à fait qui est d'accord avec au toi. high school, LeBron les deux. a connu, puis Ouais. quand tu es rendu à. Tu sais, LeBron, la blessure qu'il a eue cette année, Danny, cette mauvaise entorse-là, il l'aurait eue il y a 4-5 ans, il se serait probablement rétabli plus rapidement. Je pense que LeBron n'était physiquement pas à 100%. Quand c'est une fille, tu peux peut-être jouer un peu avec du. Mais la blessure d'Anthony Davis puis de James Harden, c'est sérieux, ça. Tu peux rien faire, là. C'est vraiment. Tu peux juste pas jouer. Est-ce que les Nets, si tu parles de la blessure de James Harden, parce que ça, c'était la série Ben, avant écoute, même il a joué la grande 43 finale, elle est secondes. là. Ouais, il a joué 43 secondes et s'est blessé. On a gagné le match quand même. Il ne faut pas oublier que Kyrie et Kevin Durant, juste ces deux-là, c'est assez pour gagner le championnat selon Ouais. moi, là. Mais c'est sûr qu'avec James Harden, ça solidifie la situation. Je pense que ça ne sera pas sérieux et je m'attends à le voir d'ici la fin de la série Mais c'est la, fi contre la finale des finales. Hein. C'est la grande finale, elle est probablement là. Les Ben, Bucks, ils sont beaucoup une de gens équipe. parlent beaucoup entre nous deux d'années. Est-ce que Atlanta et Philadelphie, Ben. c'est une finale, mais on dirait que les Nets et Milwaukee, c'est une finale en tant que telle de l'Est. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Atlanta, Philadelphie, écoute, grande surprise après-midi. Ouais. 128-124. Je regardais, j'écoutais le match des Braves d'Atlanta après-midi, mais j'allais voir durant les pauses. Puis ce qu'on disait, c'est que on a vu souvent les 76ers tirer de l'arrière énormément là, durant le match. Là. Donc c'est une remontée qui a fait ça. Oui, non, absolument. Mais Atlanta, c'est une équipe. J'en ai parlé avec toi la semaine passée, je pense, Danny, quand je parlais d'entraîneur Nate McMillan, Ouais. Trae Young, Collin. Ils sont jeunes, ils sont athlétiques, ils exécutent, ils jouent bien. Puis je pense qu'ils ont voulu montrer à tout le monde. Ils étaient insultés qu'on ne parle pas d'eux autres comme une équipe sérieuse dans les séries. On parlait des Knicks, on parlait des Knicks. Ils ont passé à travers les Knicks. Et là, le premier match contre Philadelphie, ils vont chercher ce match-là. Donc, ça va être une série intéressante. Là. Et Atlanta est capable de se rendre en finale. De l'Est. Mais je pense qu'Atlanta peut pas. Je ne pense pas qu'Atlanta peut battre Milwaukee ou New Non. Jersey. Atlanta, écoute, depuis le 1er mars, depuis qu'on dit entraîneur, c'est une nouvelle équipe aussi. Exactement, c'est une nouvelle équipe. Ce C'est changement plus. d'entraîneur-là, c'est dommage parce que je n'aime pas parler contre quelqu'un qui passe un. Tu sais, des fois, on en met beaucoup sur le dos de l'entraîneur. Mais écoute, Nate McMillan, c'est juste quelqu'un de plus expérimenté. Il a été capable de faire des ajustements. Qui ont payé. Tu sais, des fois, tu fais des ajustements, ça ne paye pas. Des fois, tu fais des ajustements, ça paye. Dans ce cas-ci, ça a payé. OK. Donc, les Clippers vont affronter. Les Clippers, écoute, heureusement qu'ils ont remporté une victoire parce que je pense que ça a crié à Los Angeles. Les Clippers, eux, vont affronter quelle formation? C'est. Moi, je pense que c'est Denver fini premier. Oui. Donc, je pense que c'est Denver. Okay. Et Utah. Non, c'est Utah qui n'a pas fini. C'est pas Houston, c'est Utah qui a fini premier. Utah finit premier, tu as raison. Donc, Utah contre les Clippers. Oui. Et les Suns finit deuxième contre Denver. OK. Okay. Si Jamal Murray serait pas blessé, je pense que Denver serait hautement considéré. Hein. Mais on ne s'est pas ennuyé de lui, malheureusement. Campazzo, le jeune de 30 ans, là, de l'Argentin, qui fait un vrai meneur, Campazzo. Okay. Plus que Jamal Murray. Mais c'est sûr que Murray, c'est tout un genre de basketball, là, Danny. Oui, ouais, ouais. Mais en ce moment, il y a d'autres joueurs qui ont pris sur leurs épaules. Mais Campazzo a démontré qu'il est capable de mener cette équipe-là en jouant 30-35 minutes par match. Donc, c'est très intéressant à voir. Mais là, on parle de est-ce que là, les Clippers doivent se réveiller. Puis tu sais quoi, Danny? Mm. Là, est-ce que Serge Ibaka sera de retour pour la prochaine série? Les Clippers peuvent tout gagner si Serge Ibaka revient. Moi, je pense que c'est la personne qui peut faire la différence. OK. C'est une équipe qui a beaucoup de avec Paul George, Kawhi également. Kawhi qui a pris les choses en main lors du sixième match. Ouais, oublié, là, les Clippers faisaient face à l'élimination à Dallas à part de ça, devant une salle compte. Ouais. Donc, et Kawhi. Et Dallas aussi a manqué l'opportunité de gagner ce match numéro 6. Oui, effectivement. Le match numéro 7, là, tu savais que ça aurait été dur. Ouais. Dernier point, Pascal, je veux te parler d'une nouvelle qui est tombée cet après-midi, qui a pas d'incidence sur le hockey, mais ça risque d'avoir une incidence sur les autres sports. C'est que les joueurs de la Ligue nationale vont pouvoir jouer sans la quarantaine, finalement, l'équipe les Canadiens et les Jets. Je te pose la question parce que Masai Ujiri, lui, avec les Raptors, il attend après ça. Lui veut jouer juste à Toronto l'année prochaine. Il n'est pas question de jouer ailleurs, là, sinon c'est bye-bye. Hein? Tu parles par rapport à les Raptors ne pas rester aux États-Unis, mais jouer de Toronto. Oui, c'est ça, oui. Ben, écoute, si on se fie à ce que il y a 75% au niveau canadien et américain au mois d'août, fin août, début septembre. Je pense que ça va être correct. Mais ce que les équipes veulent, puisque le gouvernement laisse faire, c'est deux choses, Danny. Oui, effectivement. Pascal, on se reparle quelque part la semaine prochaine, fait le tour des séries dans la NBA. Ça me fait plaisir, Danny. À bientôt. Notre ami Pascal Jobin qui nous faisait le tour de l'actualité dans la NBA et également les séries éliminatoires. Merci, Pascal. Gros merci. Hey, buddy. OK, c'est beau, salut. À bientôt.